travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Si nous laissons mijoter la Chine derrière sa grande muraille, elle pourrait bien finir un jour par exploser. C'est ce que disait volontiers le général de Gaulle, et voilà pourquoi, sans doute, il avait à cette époque décidé de créer des relations diplomatiques avec la Chine, et voilà pourquoi, pour la première fois, nous pouvons vous transmettre par satellite. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, nous nous retrouvons pour ouvrir la 21e saison de Concordance des temps. Une émission dont la pérennité ne peut s'expliquer et se justifier, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, que par votre indéfectible fidélité. Je vous en suis reconnaissant. Notre sujet inaugural se situe ce matin dans le cadre du thème que France Culture a choisi pour unifier cette semaine de rentrée, à savoir, en 30e anniversaire légèrement anticipé, la chute du mur de Berlin. L'histoire des hommes est parcourue d'âge en âge, par l'édification de murailles destinées à se protéger contre les assauts extérieurs et en sens inverse, contre l'échappée de forces vives. Il m'a semblé qu'afin d'élargir la focale et de nourrir des comparaisons temporelles et spatiales, il serait stimulant de considérer de près une construction qui demeure sans pareil, à savoir la Grande Muraille de Chine. Rien de plus majestueux qu'un ensemble dont on a prétendu quelquefois qu'il serait la seule réalisation humaine qu'on distinguerait sur la Terre depuis la Lune. Rien de plus impressionnant que la formidable somme de labeur qu'il a fallu mobiliser de siècle en siècle pour édifier et entretenir ce gigantesque serpent de terre et de pierre. Rien de plus captivant que la diversité des mythologies qui entourent son histoire plus que bimillénaire et qui est toute nimbée peut-être, faut-il dire encombré, de mythes, de rêves et de passions, jusqu'à servir les plus ardentes ambitions de la Chine contemporaine. Notre guide sera Claude Meyer. Il est conseiller au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et professeur à Sciences Po. Ses travaux sur la Chine d'aujourd'hui, sur sa place dans notre planète en relation avec notre Occident, s'inscrivent toujours dans une très longue durée, sans laquelle nous ne comprendrions pas grand-chose au poids de l'Empire du Milieu dans l'actualité de notre planète tourmentée. De Pantin à Pékin, ça fait loin, si loin que jamais, je le crains bien. Je n'irai de Pantin à Pékin, à moins d'accidents dans mon destin. C'est triste quand même, ce triste horizon qui reste le même devant ma maison. Je voudrais bien aller à Pékin, car je connais tout, tout de Pantin. Il paraît que les Chinois ont de tout petits pieds. Il paraît que les Chinois ont les cheveux nattés. Que là-bas les paysans portent des robes bleues. Et que le requin est moins cher que le pot au feu. De Pantin à Pékin, ça fait loin, si loin que jamais, je le crains bien. Je n'irai de Pantin à Pékin, à moins d'accidents dans mon destin. Une mandarine, une tasse de thé, et voici la Chine qui dort à mes pieds. Mais bientôt le matin de Pantin revient me chercher jusqu'à Pékin. je vous vois déjà qui m'a câblé de quolibets. Pourquoi les Chinois et pas les moines du Tibet? Les îles Papou, les forêts des Givaros, les plaines hindoues ou les collines de l'Écosse. Des pays, et bien sûr, il n'y en a pas qu'un. Mais mon rêve à moi, c'est Pékin. Pas Shanghai, ni Canton, ni Nankin. Moi, je ne veux rien que voir Pékin. La grande muraille me tend son abri. Il faut que j'y aille ou j'en perdrai la vie. Si Pékin a tant de prix pour moi, c'est que je ne suis qu'un petit Pékinois de Pantin. À Pékin, ça fait loin pour un tout petit chien. Claude Meyer, bonjour. Bonjour. La Grande Muraille, il faut que j'y aille. Eh bien, nous allons la rejoindre, la retrouver. C'était Juliette Gréco qui chantait de Pantin à Pékin, en 1959. Cette introduction vous convient ? Tout à fait. C'est une manière de porter d'emblée tout ce que cet extraordinaire monument, peut-être le plus important, on dit certains, monument qui couvre notre terre, l'œuvre des hommes, ce que cet ensemble peut emporter avec soi de rêves, de passions, de mythologies. C'est effectivement assez intimidant de parler de la Grande Muraille, parce que la Grande Muraille, c'est le gigantisme à la fois dans l'espace et dans le temps. Cette intimidité que nous allons surmonter. Très bien. L'espace, d'abord, c'est 6700 kilomètres, mais beaucoup plus si on intègre toutes les portions qui ont été précédemment construites puis détruites. C'est évidemment la plus grande construction de l'histoire humaine. Si véritablement on prend en compte ces éléments, on se demande comment, au fil du temps, tout cela était possible. Et précisément, là aussi, c'est le gigantisme au niveau du temps qui fait que l'histoire de la Grande Muraille, en fait, se confond avec l'histoire de la Chine. Et c'est allant, pour ce qui est de la Grande Muraille, sur 23 siècles de construction, destruction, reconstruction, entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 16e siècle de notre ère. Eh bien, c'est ce que nous allons parcourir de conserve, Claude Meyer. Peut-être faut-il avant tout faire bon marché de la fameuse légende, comme quoi ce serait le seul monument humain qu'on pourrait voir depuis la Lune. Oui, alors cette légende, évidemment, est battue en brèche par les cosmonautes. Elle remonte au XVIIIe siècle. Il semble que ce soit un antiquaire anglais, Monsieur William Stukeley, saluons, oui, qui a affirmé qu'on devait pouvoir la voir depuis là-bas. Mais depuis, effectivement, ça a été repris, jusqu'à ce que deux taïkonautes chinois, l'un à une orbite de 150-200 kilomètres, l'autre un peu plus éloigné, l'un disant effectivement qu'il avait aperçu la Grande Muraille, l'autre disant que non. Mais de toute façon, voilà. Pas depuis la Lune. Absolument pas. Je ne voudrais pas chagriner notre auditoire en pourfendant cette légende. Mais après tout, elle parle aussi en soi. Elle absolument, marque une fascination. Absolument, précisément, finalement, pour le caractère absolument inouï de la construction de cette muraille. Est-ce que vous pensez qu'on peut d'emblée marquer qu'il y a des regards très contrastés sur la longue durée envers la Grande Muraille? Elle peut apparaître à certains moments comme un symbole de repli sur soi, la vieille idée de l'empire immobile et refusant toute extension, avec, au fond, peut-être quelque chose comme du pacifisme alentour. Et puis, pour d'autres, c'est une monstruosité inhumaine à cause de formidables sommes de malheur et de labeur qu'il a fallu pour la construire. Et enfin, pour d'autres, c'est une merveille qui reflète la grandeur de la civilisation. Récemment encore, la Grande Muraille est entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987 et en 2007, elle est devenue l'une des sept nouvelles merveilles du monde. Oui, la Grande Muraille et tout cela, et encore bien davantage, suivant l'angle sous lequel on la regarde, non pas de la Lune, mais de notre pauvre Terre, notre en studio. Fonction, absolument, justement, à la lumière de la longue histoire de la Chine. Et donc, la fonction de la Grande Muraille, en fait, a été double. C'est effectivement, ça a été un rempart, notamment contre les Mongols, d'où l'image qu'on en retire d'un repli sur soi. Mais ça a été aussi, car elle a été prolongée ensuite pour protéger la route de la soie, ça a été aussi un vecteur et un axe de civilisation avec de très nombreux échanges commerciaux, bien sûr, mais également culturels. Donc là, on a toute l'ambivalence, d'une certaine façon, de la Chine de toujours, à la fois repliée sur elle-même à certaines périodes, et d'autre part, à certains moments, période de très forte expansion, comme d'ailleurs on le voit aujourd'hui, on en reparlera sans doute, à travers les routes de la soie. Toute l'histoire des murs, je pense à un bon livre que Claude Quettel a consacré à ce sujet, montre qu'il y a toujours comme pour le mur de Berlin ou pour d'autres, la double fonction, empêcher qu'on en sorte et empêcher qu'on arrive. Et c'est bien le cas aussi, en termes concrets et en termes symboliques, pour la Grande Muraille de Chine. Absolument. Alors, Claude Meillard, il faut nous raconter d'abord quelle est l'origine, puisque mm-hmm. vous le disiez, de millénaires et davantage. Oui, c'est un condensé de l'histoire de la Chine, effectivement, millénaire. Donc si on remonte très loin, c'est-à-dire au 5e, 3e siècle avant notre ère, on avait ce qu'on appelle les royaumes combattants, 7 ou 8, suivant les moments, qui effectivement cherchaient les uns par rapport aux autres à conquérir des territoires. Et pour se protéger, on construit un certain nombre de fortifications. Entre eux, en somme ? Dans l'ensemble du domaine de la Chine d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais des royaumes séparés, n'est-ce pas, et séparés par des murs pour se protéger, mais bien sûr, parfois avec des incursions sur le territoire voisin. Arrive, alors ça c'est un moment capital pour l'histoire de la Chine, puisque c'est le moment de la fondation de l'Empire de Chine, c'est donc entre le 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à à peu près 2000-2006, on a donc l'arrivée d'un personnage dont le nom de naissance est Ying Zheng, mais qui prendra le nom de Qin comme empereur et qui sera le premier empereur de Chine. On l'écrit Q-I-N. Alors, quel est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Et quels souvenirs et quelles traces il a laissé? D'abord, c'est le premier empereur unificateur de l'Empire. Il met fin à la période féodale qu'on vient de décrire et surtout standardise l'écriture, la langue, la monnaie, les poids, les mesures dans un empire unifié. Il construit un réseau routier exceptionnellement dense, à trois voies, dit-on. La voie centrale lui étant réservée pendant ses tournées d'inspection. C'est une idée peut-être à perpétuer jusqu'aujourd'hui. Absolument. Et bon, ce réseau routier a été appelé la grande rocade de l'Empire parce que toutes les routes partaient de la capitale Xian et rayonnaient dans la totalité de l'Empire. Deuxième chose, c'est le père de la Grande Muraille. Donc il édifie une grande muraille qui marque la limite de l'Empire au nord, qui relie entre eux certaines murailles édifiées par les royaumes combattants, et donc établit une grande muraille sous le nom, enfin pour les historiens, le mur des 10 000 li. Qu'est-ce que c'est li? Li, c'est 500 mètres, donc évalué à l'époque à peu près à 5 000 kilomètres. Et donc on retrouve, alors il faut peut-être citer au passage, son mausolée à Xian avec, je dirais, ces milliers de guerriers qui ont été redécouverts, enfin tout récemment. Découverts en 1974. Oui. Alors ce personnage considérable, essentiel dans la mémoire et dans l'histoire chinoise, a évidemment été présent dans un certain nombre de créations cinématographiques. Par exemple, dans ce film du réalisateur chinois Cheng Kaige, qui s'appelle « L'Empereur et l'Assassin » de 1999, dont je vais vous faire entendre un extrait traduit naturellement. Vous le connaissez, Claude Meillard, ce film ? Oui, tout à fait. Il porte finalement sur les intrigues antérieures à l'arrivée au pouvoir de Qin. Mais j'ai choisi un autre passage plus représentatif pour notre sujet. Très bien. Le royaume de Han aura bientôt disparu. C'est vrai. Han sera bientôt détruit. Mais alors, vous serez devenus les sujets d'un empire bien plus vaste. Signe les autres royaumes. Toutes choses sous le ciel, aussi loin que porte le regard, formeront un seul empire. Tous ceux qui vivent sous la voûte céleste en seront les sujets. Sur cet empire-là, régnera un seul monarque. Ce monarque, les sept royaumes, une fois unifiés, étendra sa protection au monde entier. Plaise à Sa Majesté cette carte d'un empire unifié. Le peuple connaîtra la paix et la prospérité. Des routes rejoindront les frontières. Au loin s'étendra une grande muraille qui protégera nos sujets et nos villages des chevaux des barbares. Je ferai ériger une stèle de pierre sur le muraille et une autre sur le rivage de la mer pour commémorer l'unification du monde. Donc cette œuvre gigantesque est naturellement entourée de beaucoup de légendes, de mémoires compliquées. Oui, enfin, il faut peut-être aussi signaler que ce grand homme unificateur de l'Empire, père de la Grande Muraille, a aussi été un despote parmi les plus tyranniques de l'histoire chinoise. C'est un adepte du légisme, c'est une pensée philosophique en Chine qui, contrairement au confucianisme, considère que l'humanité, les hommes sont foncièrement mauvais, qu'il faut, je dirais si possible, les mener à coups de lois, de règlements et de châtiments, et opposé au confucianisme, il va décider la destruction de tous les ouvrages confucéens. Et il deviendra d'ailleurs un modèle à ce titre pour la révolution culturelle. Et Mao Tse-tung n'a pas hésité à se comparer précisément au premier empereur et ainsi réhabiliter le légisme. Et on peut peut-être trouver aussi certains échos du légisme, c'est-à-dire de cette tendance effectivement à mener le peuple à coups de châtiment dans certaines disposition prise par le président actuel, Xi Jinping, et ce qu'on appelle le crédit social, c'est-à-dire un système très étroit de contrôle de la population, de récompense et de châtiment éventuel en fonction du comportement. On dit d'ailleurs qu'il a une reproduction de la Grande Muraille, un tableau la représentant dans son bureau. Voilà. Bon, et je pense aussi que lui, comme Mao aussi, pense au premier empereur Qin comme un modèle. Un modèle, vous le disiez, d'une très grande brutalité. Et on disait qu'il avait un fouet symbolique. Il cinglait les travailleurs pour punir de mort ceux qui, par négligence, laissaient entre les pierres un interstice où l'on pouvait glisser une aiguille. Absolument. Il y a d'ailleurs, Je lis qu'il y a une légende d'une concubine qui avait été très chagrine de tout cela, au point de se suicider, et qui était parvenue au royaume du ciel pour implorer la miséricorde du roi dragon, et que celui-là avait été ému et avait dépêché auprès du despote une belle au charme pervers et à l'esprit subtil qui avait arraché au souverain sa funeste lanière. Il y a aussi une autre légende comme quoi un sorcier aurait affirmé que la muraille ne serait jamais terminée à moins qu'on y emmure 10 000 hommes. Ça, j'ignorais. Ah, je vous ai appris quelque chose. Absolument. Comme je suis fier. Eh bien, on raconte que l'empereur, qui avait été désireux de ne pas sacrifier autant de bras, avait recouru à un stratagème. Il avait fait emmurer dans la pierre un manœuvre dont le nom comportait l'idéogramme « one » qui signifie 10 000. Ceci étant dit, on a eu une répétition dans les siècles suivants et sous d'autres cieux de la même méthode pour faire taire les opposants. On n'en est pas là quand même dans la Chine d'aujourd'hui, même si effectivement le contrôle de Xi Jinping est extrêmement étroit et que les dissidents politiques se retrouvent, sinon emmurés, du moins emprisonnés. Ce qui est indubitable, c'est que des centaines de milliers d'hommes ont péri pour construire la Grande Muraille. Et on l'appelle effectivement, dans certains ouvrages, le plus grand cimetière de l'humanité. Le grand écrivain Lu Xun, dans l'entre-deux-guerres, a écrit « En réalité, cela n'a jamais réussi qu'à faire travailler en vain d'innombrables travailleurs jusqu'à leur mort ». Ça, c'est la vision sinistre de la Grande Muraille. Tout à fait. Alors peut-être le nombre de morts est exagéré. On a estimé qu'il y avait à peu près 300 000 soldats qui ont été réquisitionnés, ainsi que 500 000 paysans pour le gros œuvre. Je ne sais pas si ces chiffres sont parfaitement exacts. Je n'ai pas lu un montant précis des morts sur cette quantité considérable de main-d'œuvre. On n'a pas dû les dénombrer. Mais enfin, une dernière légende tout à fait topique veut qu'une femme soit venue chercher son mari qui était mort et qu'elle avait tant pleuré, ses larmes ont été si abondantes qu'elle a fait tomber un pan entier de l'édifice et a découvert le lieu où son mari était enfoui. Bon, il faut que nous avancions dans l'histoire de cette grande muraille. Claude Meyer, faut pas croire que, comme certains l'imaginent, qu'une fois qu'elle a été établie, elle est demeurée telle et qu'elle a joué toujours son rôle avec une efficacité évidente. Il y a eu, si je peux dire, des va-et-vient, des sinusoïdes dans l'histoire. Absolument, dépendant finalement toujours du danger pouvant provenir du nord, mongol notamment, avec cette division introduite d'une certaine façon, par cette grande muraille entre le monde civilisé, à savoir nous les Chinois, et le monde barbare, eux précisément les barbares, ceux qui sont dans les steppes septentrionales. C'est aussi l'opposition finalement d'agriculteurs sédentaires contre des pasteurs nomades. C'est essentiel. Donc, dans l'histoire du monde d'ailleurs, comme en Afrique. Il y a un très beau texte de Ségalène dans ses fameux poèmes, Stèle, en Pékin, 1912, qui dit « Nous autres, en parlant des nomades, nous autres sur nos chevaux, n'entendons rien aux semailles, mais toute terre labourable au trot, qui ne peut courir dans l'herbe, nous l'avons courue. Nous ne daignons point bâtir muraille ni temple, mais toute ville qui se peut brûler avec ses murs et ses temples, nous l'avons brûlée. Sans frontières, parfois sans nom, nous ne régnons pas, nous allons. Là, voilà. C'est vraiment l'opposition essentielle qui parcourt. Qui s'inscrit dans de façon pluriséculaire. Et ce danger, la perception de ce danger du Nord, mongol, mandchou, etc., va structurer d'une certaine façon les périodes de statu quo et les périodes de reconstruction. Et puis on peut citer cette prosopopée du commandant de la compagnie Linggu, qui est donnée dans le livre de Michel Jean sur la Grande Muraille, et qui évoque irrésistiblement le désert des Tartares de Buzzati, ce grand livre, et l'attente du lieutenant Drogo. Écoutez, les barbares sont revenus. Surgissant d'un promontoire, un petit groupe de cavaliers nous a observés. La menace ne s'était pas éloignée de l'Empire, mais nous ne l'avions jamais sentie aussi proche. Depuis cette alerte, l'inquiétude a gagné les esprits. Mes hommes s'interrogent sur la prochaine bataille. Drapeaux et guidons ont été hissés sur les tours de veille. Nous sommes la compagnie Linggu de l'anéantissement des barbares, un titre qui en dit long sur notre supposé courage. Alors j'ai vu sur une crête les silhouettes de ces hommes vêtus de peau, hérissés d'armes, soudés à leur monture, au point d'apparaître comme des monstres. Ils étaient terrifiants. Leur immobilité nous exaspérait et accentuait notre inquiétude, car ils venaient nous signifier, et avec quel mépris, leur prochain déferlement. Là, on a, dans un style frappant, effectivement, toute l'angoisse qu'a pu représenter le danger mongol et la protection qu'on espérait de cette grande muraille. Disons, le XIIIe, XIVe siècle, on a les Mongols, après, donc, Genghis Khan au XIIe siècle, les Mongols arrivent effectivement à prendre le contrôle de la Chine et on a une dynastie mongole. Là, du coup, la grande muraille n'a plus de sens et il ne va pas y avoir nouvelles constructions. Donc elle était inefficace pour empêcher cette invasion qui représente une des plus grandes invasions, peut-être la plus grande de l'histoire du monde. Oui. Alors ça, c'est un sujet débattu. Est-ce que véritablement elle a protégé la Chine? Évidemment, elle ne l'a pas protégée puisqu'on a eu, les Mongols, puis les Mandchous. Elle a retardé considérablement quand même l'avancée, par exemple, de Genghis Khan, qui a dû attendre 2 ans aux portes de Pékin. Donc, effectivement, on a cette dynastie Yuan qui va laisser une enfin bon, ça va être la Pax Mongolica, le moment où on a la plus grande extension territoriale du territoire de la Chine, puisque ça intègre la Mongolie et la Mandchourie. Comment sont-ils arrivés alors? Comment ont-ils franchi la Grande Muraille? On le sait, ils l'ont tournée par un côté, est-ce que... Alors, ça, en art militaire, je pense qu'ils avaient la vélocité et ils avaient d'excellents archers. Là, d'ailleurs, pour la défense de la muraille de Chine, un des problèmes de la Chine, c'était le manque d'une armée mobile et le manque de chevaux. Donc, il y a toute une histoire du cheval en Chine qui doit précisément reprendre les rapports avec les peuples du Nord qui, eux, avaient d'excellents étalons, etc. Et comme il n'y avait pas assez de soldats, parfois il semble qu'il y avait, des fortins de place en place et on se tenait au courant par des gongs ou par des fumées. Oui, par des fumées, par des émissaires également. Mais la force finalement, on l'a vu ailleurs pour les troupes mongoles, en Iran, en Asie centrale, etc. La puissance de la puissance d'intervention, la Chine n'a pas pu résister à un moment précisément où elle était également affaiblie du point de vue politique. Est-ce que la muraille a été tournée du côté occidental? Alors, la muraille, si vous voulez, elle a pratiquement du côté occidental. La dynastie Han, qui a prolongé donc pour protéger la route de la soie, ça a été le tracé pratiquement conservé, y compris alors sur la dynastie des Ming, purement chinoise, qui va restaurer la Grande Muraille après avoir donc démis la dynastie mongole pour précisément se protéger du danger mongol à nouveau. C'est le deuxième très grand moment dans l'histoire de la Grande Muraille. Absolument, absolument. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Ongu, qui est le premier empereur Ming, va déjà restaurer la classe militaire, de manière à accroître ses capacités défensives. Il prend aussi des mesures offensives et il envahit la Mongolie en 1380. Et pendant 3 siècles, pratiquement, lui et ses successeurs vont pas cesser de renforcer, de construire à nouveau un système de défense, une nouvelle grande muraille, puisque pratiquement ça a été abandonné pendant des siècles, et presque tout est à refaire, à reprendre, à fortifier. On a, vers le milieu du XVIe siècle, une période d'intense construction qui va s'étendre sur 70 ans, et qui va se déplacer en fonction un petit peu des dangers mongols identifiés qui eux-mêmes sont assez mobiles. C'est la période véritablement l'apogée de la Grande Muraille, telle qu'on la voit aujourd'hui sur certaines portions, avec donc un modèle de construction beaucoup plus sophistiqué, élaboré, pierre, briques, etc. Avec, il faut peut-être rappeler, c'est la largeur entre 5 et 7 mètres, la hauteur entre 5 et 15 mètres, et c'est 10 000 lits, c'est-à-dire 5 000 kilomètres, suivant la mesure chinoise, sont divisés en 12 zones militaires, avec des garnisons qui vont de 10 000 à 100 000 soldats à peu près. Donc là, on a l'apogée de la Grande Muraille et on a aujourd'hui, effectivement, les traces de ce qui a été construit ou restauré à cette époque. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. On a souvent fait la comparaison en France avec la ligne Maginot qui, dans l'entre-deux-guerres, avait été construite, comme nous savons, pour protéger la France contre un éventuel retour des Allemands et qui a été finalement inefficace pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'avait pas prolongé jusqu'à la mer, donc il était possible de la tourner vers l'Occident, vers l'Ouest. Et d'autre part, parce qu'il y avait une contradiction entre le fait de se protéger et d'avoir d'autre part des alliances avec des pays d'Europe centrale auxquels on avait promis qu'on viendrait porter secours. Ils étaient eux-mêmes attaqués. Il me semble qu'il est arrivé parfois qu'il y ait aussi cette contradiction à propos de la Grande Muraille. Fallait-il se protéger derrière ou aller porter la guerre ? Donc ça, c'est l'ambivalence un petit peu suivant les périodes, je dirais, de la stratégie défensive, donc bien illustrée par la Grande Muraille, mais aussi une dynamique offensive de conquête, il y en a eu, offensive à la fois du point de vue militaire, par conquête de territoire, mais aussi offensive, comme on l'a dit, à travers la route de la soie, et donc l'ouverture, contrairement à l'image, ligne Maginot, repli sur soi, l'extrême ouverture de la Chine à certaines périodes, pour ce qui est bien sûr du commerce de la soie, mais aussi des échanges culturels, avec des expéditions militaires, Iran et autres, et aussi cette expédition maritime de Zheng He, 14e siècle, sauf erreur, où les flottes chinoises, la plus importante du monde à l'époque, paraît-il, a atteint les côtes d'Afrique orientale. Donc on a toujours cette ambivalence de la Grande Muraille comme montant de protection, comme mur de protection, mais aussi comme réseau finalement d'échanges avec des stratégies tour à tour défensives et offensives, offensives sur le plan militaire, mais aussi offensives au niveau de l'ouverture vis-à-vis de l'étranger. C'est un lieu de séparation, de refus et en même temps un lieu de contact. On pourrait trouver d'ailleurs, on pourrait faire des réflexions semblables sur le Rhin, tel que le voyaient Victor Hugo, les romantiques, ou français ou allemands, Becker et les autres au XIXe siècle. C'est-à-dire le Rhin comme séparation, comme coupure, comme rupture et en même temps comme lieu d'échange. Ce qui est le cas de la Grande Muraille dans ces années-là, semble-t-il. On peut la parcourir, c'est aussi un moyen de circulation. Absolument. Et c'est, je dirais, ce qui permet aussi de contrôler l'Empire. C'est ce qui permet de rayonner dans l'Empire. C'est aussi la voie d'accès vers l'Ouest sur des milliers de kilomètres. Et donc, voie commerciale et voie culturelle. Alors après les Ming, progressivement, la Grande Muraille perd de son importance. Oui, les Ming vont y avoir un phénomène là pour des raisons de politique intérieure, une rébellion paysanne, une défection de soldats d'origine mandchoue qui étaient intégrés dans l'armée chinoise, etc., qui vont mettre à bas la dynastie Ming, qui va être remplacée par une dynastie Manchu. Cette dynastie Manchu va effectivement régner du XVIIe siècle jusqu'à la chute et la proclamation de la République en 1911. Jusqu'à l'impératrice Cui et Puyi, le dernier empereur un peu dérisoire. Ben oui, dont on a fait un film d'ailleurs, et toute la question du Manchukuo japonais, etc. Mais ça, c'est autre chose. Mais alors, ces Manchus, ils sont arrivés en franchissant la Grande Muraille ou par infiltration progressive ? La Grande Muraille n'a pas protégé les Ming. Oui, avec des complicités intérieures, etc. Et je crois que, alors là, il faudrait voir exactement, du point de vue cartographique, il y avait des zones quand même de vulnérabilité dans certains tronçons de la Grande Muraille, ne serait-ce que parce que la Grande Muraille n'est pas seulement des constructions de murs, elle épouse aussi le relief et peut-être à tel ou tel endroit, fleuve ou montagne, etc., peut-être y avait-il quand même des voies d'accès. Quoi qu'il en soit, c'est au XVIIIe et au XIXe siècle que les Occidentaux, au moment même où la Grande Muraille perd de son sens stratégique, sont fascinés. Absolument. Sont fascinés, on voit Voltaire, par exemple, qui oscille entre l'admiration et la condamnation de ce monument dressé à la peur, dit-il. Oui. C'est une période extrêmement intéressante, celle du XVIIIe siècle, pour de multiples raisons, mais aussi le passage de la sinophilie du XVIIIe, sauf Montesquieu, à la sinophobie du XIXe. Alors, il faut remonter un petit peu plus en arrière. On a effectivement les jésuites qui arrivent en Chine, notamment Matteo Ricci, qui donc, au cours du XVIe, et puis les compagnons au XVIIe, vont d'une part devenir chinois avec les Chinois, au niveau de la connaissance des textes, de la langue, etc., mais aussi vont écrire des chroniques extrêmement importantes arrivant en Europe, où ils décrivent l'Empire de Chine, la manière dont il est gouverné. Et alors, ils parlent de la Grande Muraille ? un seul Martini parle de la Grande Muraille, mais c'est pas ce qui est tellement significatif. Ce qui est significatif, c'est que pour le 18e français, ça représente finalement des arguments pour les encyclopédistes et autres par rapport à la monarchie, par rapport à... et aussi l'autre élément qui fait que les jésuites, à la contraire de l'Amérique latine, ne veulent pas évangéliser, oui, une civilisation qu'ils estiment être extrêmement spirituelle à travers le confucianisme. Donc tout cela va singulièrement modifier, va préparer d'une certaine façon la période des Lumières en France. Et on aura un certain nombre d'enthousiasme, notamment Montesquieu, sur le système politique. Et donc je reviens à votre citation sur la Grande Muraille. Dans votre beau livre, Claude Meyer, sur l'Occident contemporain face à la renaissance de la Chine, vous, à très bon escient, vous revenez en arrière et vous montrez l'importance, en effet, de ces relations concrète et mythifiée entre les deux des parties, deux côtés, oui, c'est ça, dans les deux sens. Alors, 19e, c'est aussi le moment des voyageurs. Un exemple, c'est le comte de Beauvoir, je ne sais pas si c'est un ancêtre de Simone, qui est un diplomate et qui, à la fin du 19e siècle, se rend en Chine et fasciné par la Grande Muraille. La Grande Muraille de Chine, longue de 12 000 km, 8 mètres de haut, 6 mètres de large, a depuis des siècles hanté les imaginations occidentales. La seule œuvre visible de la Lune, disait un dicton populaire, affirmation non confirmée par les cosmonautes. 1867, extrait du voyage autour du monde du comte de Beauvoir. Ce spectacle est souverainement grand. Quand on songe que des hommes ont construit tant de murs sur des points paraissant inaccessibles, comme pour opposer à la Voie lactée, au ciel, une voie murée sur les cimes, on croit à un rêve. Oui, assurément, ce serpent de pierre fantastique, ces créneaux sans canon, ces meurtrières sans fusil, resteront dans mes souvenirs comme une vision magique. On est loin de Marco Polo qui, lui, n'avait pas vu la Grande Muraille. Absolument. Mais la description est tout à fait, suggestive, ce serpent de pierre qui court à travers le territoire de la Chine, escaladant les montagnes, franchissant les fleuves, etc. L'idée est parfois d'ailleurs qu'il y a un dragon qui se cache dans le serpent, ce qui est assez bizarre. Voilà, ça c'est le côté légende dont je vous ai dit que j'en ignorais quand même un certain nombre. Le 19e siècle est aussi le moment où les Occidentaux viennent briser la défense de la Chine et du coup développent l'idée, que c'est un cliché probablement tenace, selon laquelle on le retrouve un peu chez Alain Perfitte au 20e siècle, selon laquelle la Chine serait fermée au monde. Oui. Elle est fermée au monde, donc il faut brutalement l'ouvrir. C'est ça. Les guerres de l'opium, etc. C'est ça. Effectivement, on a cette symbolique qui revient de fermeture, d'ouverture de la Chine. Et là, au 19e siècle, c'est l'ouverture forcée par les Occidentaux, qui répètent d'ailleurs ce qu'ils font et sont en train de faire à l'égard du Japon. Donc là, aucune grande muraille ne peut, qui d'ailleurs était la muraille au nord pour se protéger du danger mongol, ne peut permettre à la Chine de protéger tout son territoire et notamment celui qui deviendra les concessions étrangères. L'ouverture maritime par le sud. Absolument. Donc en somme, la Grande Muraille a parfois protégé la Chine dans les périodes anciennes que nous évoquons. Et dans les périodes plus récentes, elle n'a pas pu jouer ce rôle. Elle est devenue plutôt un symbole qu'une réalité concrète. Absolument. Ça, c'est effectivement la Grande Muraille. On peut aussi la voir comme le vecteur de représentation symbolique. Le symbole du repli sur soi, donc le réflexe de Maginot. Et ça, je dirais, on le retrouve dans les critiques des gardes rouges, mais aussi auparavant du mouvement étudiant du 4 mai 1919, considérant que, véritablement, la Chine s'est fermée au monde, s'est fermée à la science, à la démocratie, y compris, bien sûr, avec, pour symbole, la Grande Muraille. Et donc, la Grande Muraille, entre autres, sera appelée par par les maoïstes, comme une des quatre vieilleries que le nouveau régime doit absolument abolir. Alors là, on est très frappé par l'ambivalence majeur de la Grande Muraille du point de vue des représentations à l'intérieur de la Chine. Tantôt, en effet, cette vieillerie qu'il faut démolir et dont il faut faire litière, si je puis dire, et d'autre part la symbolique d'une capacité de défense. On retrouve cette symbolique, par exemple, dans la fameuse marche des volontaires qui a été composée en 1934 sur des paroles de Tian Han et qui est devenu hymne national de la République populaire de Chine en 1949. Donc, il y a à la fois le refus et l'acceptation. Je vous fais entendre cette marche, et puis après, vous la traduirez, je n'en doute pas, Claude Meyer. Alors, traduction, Claude Meyer. Debout, les gens qui ne veulent plus être des esclaves, c'est avec notre chair que nous bâtirons notre nouvelle grande muraille. Là, voilà la grande muraille, nouvelle. La nation connaît son plus grand danger. Chacun doit pousser un dernier cri. Debout, debout, debout. Nous qui ne faisons plus qu'un, bravons les tirs ennemis, marchons. Bravons les tirs ennemis, marchons. Marchons, marchons, marchons. Il y a eu un épisode de la défense de la Grande Muraille, très, très contemporain, au moment du conflit sino-japonais entre 1931 et 1945, qui a remis en quelque sorte au premier plan. Oui, donc la guerre sino-japonaise, en 1933, on a eu une défense absolument acharnée de la Grande Muraille, donc par les troupes chinoises, qui ont considérablement retardé de plusieurs mois l'irruption des troupes japonaises sur le territoire chinois. On est vraiment là dans le monde des représentations symboliques. Tout à fait. Donc le symbole de repli sur soi, réflexe de Maginot, etc. Mais aussi à partir de Sun Yat-sen, donc le premier président de la République chinoise, un symbole de fierté nationale, merveille qui reflète la grandeur de la civilisation chinoise. Et tout cela va être repris notamment par le grand réformateur Deng Xiaoping à partir de 1978-1980, dont le slogan était « Aimer notre Chine et restaurer notre muraille ». Il faut faire une campagne de restauration, dit-il, oui, absolument, de la Grande Muraille. En contraste avec le temps de la Révolution culturelle, où, comme vous le disiez, c'était une vieillerie. Il y a vraiment des va-et-vient très, très frappants à cet égard. Exactement. C'est pourquoi, véritablement, on peut lire, on l'a fait partiellement, la Grande Muraille, dans ses différentes étapes, comme l'image de l'histoire de la Chine, de ses aléas, de ses avancées, de ses reculs. Quand Nixon vient pour marquer la fin de la coupure entre la Chine et les États-Unis, plusieurs années après que De Gaulle avait pris l'initiative, il déclare « c'est une grande muraille et elle a été construite avec un grand peuple ». Et c'est d'ailleurs sur la grande muraille qu'il va symboliser des retrouvailles. Écoutez donc ce reportage avec, au milieu, vous allez voir, c'est assez curieux, une intervention de François Mitterrand présentée par Jean-Pierre Elkabbach. Mitterrand qui est coupé avec beaucoup de brutalité d'une manière que l'on n'aurait sûrement pas retrouvée 10 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est donc M. François Mitterrand qui va commenter avec nous et avec Maurice Werther le séjour en Chine du président Nixon. 4e journée, aujourd'hui un peu de tourisme sur la Grande Muraille de Chine, qui est connu et que vous avez vu, Monsieur le Président, sans doute en 1961 lors de votre précédent voyage, qui vous avait permis, nous le verrons tout à l'heure, de rencontrer Mao Tse-tung. Cette grande muraille, vous l'avez vue comme la plupart des visiteurs de la Chine. En effet. La voici justement, si vous voulez, et qui n'en a rêvé de cette grande muraille. La muraille dans sa partie la plus proche de Pékin a été restaurée, elle est devenue naturellement un haut lieu touristique. Et c'est en ce matin assez froid que le président Nixon est arrivé au pied de la grande muraille à peu près 80 km de Pékin. Il est accompagné de sa femme, vous allez voir, Madame Pat Nixon, et aussi du secrétaire d'État, Monsieur Rogers. Mais du côté chinois, c'est Li Xianyan, le vice-président du Conseil, qui l'accompagne, et non pas Monsieur Chou Enlai. L'absence de Monsieur Chou Enlai a fait penser à un autre absent aussi ce matin, qui est toujours avec le président Nixon, c'est Monsieur Kissinger. On dit bien à propos de Monsieur Kissinger qu'il a déjà vu la Grande Muraille, qu'il n'a pas besoin de la revoir, mais étant donné qu'on sait très peu de choses sur ce qui se dit, ça donne naissance à toutes sortes de spéculations. On se demande si M. Kissinger n'est pas resté sur place pour rédiger tel ou tel accord qui serait déjà intervenu. Mais naturellement, ça, c'est de l'imagination. Quelle impression a-t-on, M. Mitterrand, lorsqu'on se trouve ici, sur la Grande Muraille? C'est évidemment un des hauts lieux de l'histoire. La Grande Muraille, si j'ose dire, on la rencontre partout. J'y suis allé, je l'ai survolé. Vous savez que sur la Grande Muraille, les sentinelles de l'Empire allumaient des feux afin de prévenir les avances ennemies. La construction même de cette Grande Muraille évoque dans la simplicité de ses lignes... Je m'excuse, Monsieur le Président, de vous interrompre pour traduire ce que dit le Président Nixon à pas l'issue de cette visite. Les réflexions qu'il lui inspire, nous ne voulons pas de murs qui séparent les hommes et les peuples. Ni au sens de murs réels, matériels, physiques comme celui-ci, ou de murs idéologiques. Nous ne voulons pas de ce qui divise les peuples du monde. Quelles que soient leurs différences de formation, de philosophie ou autre chose, il faut qu'ils s'entreconnaissent. C'est en tout cas le premier commentaire depuis le début du voyage. Depuis le début. Il y a un passage que je voudrais vous faire entendre, c'est celui-ci. Et finalement, dit M. Nixon, je suis venu depuis très loin, 24 000 km, et beaucoup de choses qui se sont produites depuis que je suis là me font me rendre compte qu'il valait la peine que je vienne. Et ça vaut la peine de faire 24 000 km, 25 000 km, dit M. Nixon. On peut observer que plusieurs des candidats français à l'élection présidentielle, pendant ces années-là, sont allés en quelque sorte symboliquement marcher sur la Grande Muraille. François Mitterrand y retourne d'ailleurs au moment de peu de temps avant son élection du 10 mai 1981. Effectivement, l'usage un petit peu de la Grande Muraille qu'en ont fait les hommes politiques et la promotion qu'en fait la Chine aux yeux des visiteurs, touristes étrangers, touristes d'ailleurs de la Chine, donnant touristes chinois, donnant effectivement le sentiment de grande fierté nationale. On n'est qu'à 60 km au nord de Pékin. Voilà. Mais aussi, je veux dire, dans les relations internationales, on voit tout à fait le glissement dans ce qu'on vient d'entendre de la Grande Muraille comme symbole de la grandeur de la Chine, de son histoire immémoriale, etc. Quand la Chine rejoint l'ONU en 1971 en remplaçant Taïwan, elle offre symboliquement une tapisserie au siège de l'ONU, une tapisserie qui représente l'esprit de la Chine nouvelle et qui montre la Grande Muraille. Voilà. Alors évidemment, c'est un élément, vous le disiez, essentiel désormais pour le tourisme, avec l'ambivalence d'ailleurs des conséquences de cet afflux des visiteurs sur la Grande Muraille. Certains morceaux sont restaurés d'une manière qui paraît discutable, d'autres au contraire sont négligés. C'est le moment aussi où la Grande Muraille apparaît comme un symbole possible pour la publicité. Il faut toujours regarder dans notre contemporanéité la publicité comme révélatrice. Exactement. C'est le moment où Citroën, qui avait été à l'origine de la fameuse croisière jaune au début des années 30, Citroën vient tourner un film publicitaire avec sous la responsabilité de Raymond Depardon, qui vante les mérites de la nouvelle AX Citroën sur la Grande Muraille. J'ai déniché ce reportage d'Antenne 2 Midi le 20 septembre 1986. Vous allez voir, c'est assez piquant. Rappelez-vous, au début des années 30, la croisière jaune, un rallye automobile disputé entre Beyrouth et Pékin avec ses deux chevaux, Citroën y faisait un malheur. La boucle est bouclée aujourd'hui. Après les chevrons sauvages, la nouvelle Citroën AX portée à dos d'âne roule toute seule sur la muraille de Chine. Un vrai casse-tête chinois pour mettre en scène un spot de 45 secondes. 6 mois de négociations, Jacques Séguéla, Patrick Segal, le fils de Deng Xiaoping, craquent pour cette idée. C'est finalement Raymond Depardon qui réalise ce film qui décoiffe. Un coup politique, cet obscur objet de consommation occidentale sur la muraille de Chine, image complètement surréaliste, mais les Chinois sont ravis. Un coup sévère porté à la concurrence, 13 constructeurs avaient déjà postulé sans succès pour cette aventure exotique. Un coup de pub pour un montant de 3 millions de francs. Quelques voitures cabossées, et pour cause, Janet Ma, la conductrice qui sort tout droit d'une agence de mannequins de Hong Kong, ne savait pas conduire. Allez-y, moteur, action. Regardez bien, l'illusion est parfaite. Allez, Janet, décontracté, c'est bien. It's good, Janet, it's good. It's good. Good, Janet, good, good. Vous you smile, Janet, you smile. Pourquoi ça s'arrête à la jeton, quoi? La démesure a encore frappé. En associant la pub à ce monument de culte, Citroën confirme son image. Séguéla persiste dans le Hollywood publicitaire. De Qin et des Ming à Séguéla, c'est un raccourci un peu étrange. Oui, absolument. Mais je rebondis peut-être, si vous le permettez, sur le terme démesure qui vient d'être employé. Je crois qu'on retrouve cette même démesure aujourd'hui. Développement majeur de la Chine contemporaine, les nouvelles routes de la soie et le contrôle Internet, ce qu'on appelle la grande muraille électronique. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de noter qu'on a cette ambivalence qu'on a évoquée à différents moments, à la fois d'ouverture de la Chine, ça c'est les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, et la fermeture de la Chine, c'est la grande muraille électronique. Alors, les nouvelles routes de la soie, c'est évidemment l'initiative la plus spectaculaire du président Xi Jinping, 2013. Nous avions fait une émission avec le professeur Grenet du Collège de France sur ce sujet. Et effectivement, donc je vais pas faire trop de commentaires, sauf pour dire que ce projet gigantesque, puisqu'il s'agit de relier étroitement une soixantaine de pays d'Europe et d'Asie, même maintenant Afrique et Amérique latine, par un réseau tentaculaire de corridors terrestres et de voies maritimes. Là, on parle, je dirais, de durée de décennies et de milliards de dollars. Là, on sort de la Grande Muraille. Et là, oui, mais ce projet, c'est un projet titanesque aussi qui évoque le gigantisme de la Grande Muraille, mais qui est complètement à front renversé. Je dirais que c'est à l'opposé. Si on prend la Grande Muraille qui a été un cordon sanitaire, ça, au contraire, c'est l'expansion chinoise. Et c'est bien ce qui est à demi-mot dénoncé par nos diplomates français et aussi européens sur le risque de l'expansion chinoise à travers ces routes de la soie. Éternelle dialectique entre défensive et offensive. Absolument. Alors l'autre aspect, vous dites, l'autre aspect, c'est la grande muraille électronique. Nous allons terminer cette émission absolument sur la grande muraille en l'évoquant. Alors là, reprenons ce terme de cordon sanitaire. Là, effectivement, on a une fonction identique à la grande muraille électronique comme cordon sanitaire. Ça a été mis en place en 2000 pour protéger le pays d'influence étrangère, et ça permet effectivement de bloquer des milliers de sites indésirables, pornographiques dit-on, mais surtout essentiellement étrangers, pour éviter évidemment la pollution de la population chinoise par les idées étrangères. Ça s'accompagne d'une rhétorique qui n'est pas si éloignée de celle de la Russie d'ailleurs, sur la nécessaire souveraineté sur l'Internet national. Et là, ça a une dimension également pas simplement de contrôle de la population, mais également d'expansion économique à travers la stimulation de champions nationaux. En fait, donc, les grands GAFA sont exclus du marché chinois, ce qui permet aux grands Baidu, etc., de se développer sur le marché et donc de devenir, comme on le sait, des entreprises multinationales de plus en plus puissantes. Donc la comparaison, la formulation « grande muraille électronique » ne vous paraît pas malvenue, Claude Meyer ? Non, Parce qu'elle, alors si on ajoute, si vous voulez, je crois qu'elle est au croisement de trois impératifs. Le premier qui est absolument essentiel, c'est le contrôle social, donc la protection par rapport à l'étranger, par rapport à l'envahisseur au niveau idéologique. Si on trouvait déjà ça au temps de Qin, qui était pour défendre son pouvoir intérieur, voilà. Qu'il se défendait au dehors. Absolument. La stabilité politique, évidemment, qui va de pair, et donc le monopole du parti, et ça c'est la grande ligne directrice de la stratégie de Xi Jinping, de remettre la légitimité du parti communiste au cœur de la vie politique chinoise. Et le troisième que j'évoquais, c'est donc également le développement économique, donc le fait qu'il y ait des champions nationaux dans le domaine électronique qui puissent concurrencer d'abord sur le marché chinois, mais surtout concurrencer sur les marchés internationaux les grandes entreprises étrangères. Eh bien voilà, c'est une parfaite conclusion qui nous conduit d'ailleurs à évoquer votre livre important, tout récent, Claude Meyer, paru chez Odile Jacob, « L'Occident face à la renaissance de la Chine, défis économiques, géopolitiques et culturels ». Je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à ce livre, d'autant plus que vous prenez délibérément du recul en réfléchissant au poids de la mémoire, au poids de la culture spécifique dans les grands débats d'aujourd'hui, dans les grandes incertitudes contemporaines. Absolument, et en m'inspirant peut-être de l'histoire pour suggérer certaines pistes concernant nos rapports avec la Chine, de manière à éviter deux dangers majeurs qui sont l'angélisme et l'autre, la diabolisation. Eh bien, dans cette émission qui fonctionne sur ce principe, nous sommes tout à fait soucieux régulièrement d'échapper à la fois à l'angélisme et à la diabolisation. Absolument. Chacun peut en être juge. J'ai cité aussi le livre très utile de Claude Quettel qui s'appelle « Histoire des murs ». C'est ouvert à l'ensemble de la planète. Une autre histoire des hommes, paru chez Perrin en 2012, qui permet des comparaisons avec beaucoup de murs contemporains. Anciens d'ailleurs, le mur d'Adrien dans les îles britanniques, le mur du Mexique, on pourrait évoquer la ligne Maurice entre l'Algérie et le Maroc pendant la guerre, etc., etc., etc. Qui montre que la Grande Muraille de Chine, nous avons parlé aujourd'hui, est évidemment écrasante à tous égards par rapport aux autres, en importance, en poids, en signification historique, mais finalement ne s'en différencie pas complètement. Et puis nous avons fait fond également sur un livre en anglais qui traite exclusivement de la Grande Muraille, qui s'appelle « The Great Wall of China, From History to Myth », La grande muraille de Chine de l'histoire jusqu'au mythe, paru aux presses de l'université de Cambridge en 1990. Je cite rarement des livres en langue étrangère, mais là, cela s'imposait. Et puis vous aurez d'autres informations sur notre site dont vous êtes assurément familier, le site de l'émission Concordance des temps. Vous trouverez également sur ce site les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission pour la conserver aussi longtemps qu'a duré l'histoire de la Grande Muraille de Chine, c'est-à-dire assez longtemps. Samedi prochain, nous parlerons du Parlement britannique, immuable et bousculé actuellement. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'actualité du sujet. Et je recevrai, pour traiter cette grande question, François-Charles Mougel. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitille Gavrilov et Claire Poinsignon, et réalisée par Yaël Mandelbaum. Avec Laurie Vachon à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Gwen Michel pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, nous renouons avec une tradition. Je passe le témoin à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.